It's the real American on your TV screen. Hey. It's the real American. Je suis super héros, super puissant, persévérant, qui fait des gagnes. Mais anyway, les méchants gagnent tout le temps. Et les stable, red all like ça prend d'un qui fait des chiens, les policiers. Les gangsters qui arrêtaient pas de voler, baiser comme Tony Montana. Et enfin, fait que là j'ai eu la chance 13 ans de rentrer dans une gang. Bam, j'ai rentré sans passer, sans question, j'allais comme les gars à TV. Un gangster avec un gros gun, un gros char, les gros jeans, des belles filles. Ah ah, la vie facile, mais j'aurais aimé quelques disques à TV, c'est arrangé. Puis que le monde aime mes vignes, mais la vie, peut-être que je serais encore en vie. La télé, c'est la télé, ça devient la réalité, kid. La télé, c'est la télé, ça devient la réalité, kid. La télé, c'est la télé, ça devient la réalité, kid. La télé, c'est la télé, ça devient la réalité, kid. Plus on veut du cash, pas les mots, face, cash, cash. Je veux du cash en rempli, je suis ready to blast. Là, j'ai 14 ans, encore la même gang. Sauf que là, on bang, fuck la télé, c'est la réalité. On terrorise le quartier, mais c'est la même chose, encore et encore, non-stop. À force de voir les films, ma trop, ça devient féroce. Mais fuck for children, mais fuck you, le bon, mais n'est-ce pas society. Puis j'ai mon gars dessus, moi j'ai envie de tuer. Ça fait 2 ans que j't'armis, j'ai jamais tiré. Ou plutôt retiré la vie à une autre identité. Ma soirée, c'est ma soirée. Cherche un tata à tester mon coup de capote. Ils m'ont jamais vu capoter au tas à papa. La télé, c'est la télé, ça devient la réalité, kid. La télé, c'est la télé, ça devient la réalité, kid. La télé, c'est la télé, ça devient la réalité, kid. La télé, c'est la télé, ça devient la réalité, kid. Je chante plus fort les tata à tester, blaster, confronter d'un, pour pas se c'est pas criblé. Spike tata qui se prend pour temps en train de compter leur argent. La journaliste manque mon rush, drop, comme la crosse de mon gun. Marche vers 5, bombe, squeeze, mon magnum, vite ma clip, trip. J'entends plus rien, deviens fou, pas réaliste que le monde crie. Sac mon cas éclair, chaque fois chaque pas, pas trop fort, là y'est tard. Je pense que j'ai causé, mais j'ai fait comme ma TV. Anyway, it's the real American on your TV screen. It's the real American on your TV screen. It's the real American on your TV screen. It's the real American on your TV screen. Une fois chez moi, j'ai relaxé lundi à l'école. J'étais plus pareil, tout le monde savait ce que j'ai fait. Donc, je me prenais pour Tony Montana, Nino Brown, Watson, Eka et Van Damme en plein tenant. Donc, j'ai fait le reste. Aujourd'hui, j'ai eu maths, français, chimie, éduque, billard. J'ai foxé le reste, resté dehors à parler fort dans nos espoirs. Deux fois, trois fois, fini. Le frère du gars qui tirait m'a blasté. J'suis tombé dans le gazon, j'ai vu Dieu, ma famille, ma vie dans un flash. Entendu les cris, j'avais frappé. Ah, c'est pas comme à TV, les balles font mal. Y'a pas l'annonce du deuxième partie. Dommage, j'aurais aimé vivre longtemps. Et ben c'est comme à TV. La télé, c'est la télé, c'est devant la réalité. La télé, c'est la télé, c'est devant la réalité. La télé, c'est la télé, c'est devant la réalité. La télé, c'est la télé, c'est devant la réalité. La télé, c'est la télé, c'est devant la réalité. La télé, c'est la télé, c'est devant la réalité. La télé, c'est la télé, c'est devant la réalité. La télé, c'est la télé, c'est devant la réalité. La télé, c'est la télé, c'est devant la réalité. Titi, tu trouves que t'es beau? Non. Ouais, arrête de déconner, joue le modeste. Tu sais très bien que t'es beau. Non, parce que quand j'étais petit, je restais dans une petite ville où que tout le monde était blond, des yeux bleus, cheveux bruns, mais... Il n'y avait pas de métis, il n'y avait pas de noir, il n'y avait pas d'arabe, il n'y avait pas de latinos, il n'y avait rien. Fait que le modèle, c'était pas moi, quoi. Moi, j'étais le petit mouton noir, le petit nez, quoi. Fait que depuis que j'étais petit, j'ai grandi là-dedans, dans ma psychologie enfantine, ça a toujours été ça. Fait que même si aujourd'hui, il y a 3 millions de personnes qui me disent que je suis beau, ben je vais jamais le voir comme ça, parce que c'est pas comme ça que j'ai grandi, quoi.